Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi. En 1879. Bonjour facteur. Ah bonjour mon gars. Beau temps aujourd'hui. Ah pour la beau temps, c'est un beau temps, ça on peut le dire. Ah oui. Les gens le prennent pour un fou. Ferdinand Cheval, facteur rural à Haute-Rive dans la Drôme, s'est mis en tête de construire un palais en ramassant des cailloux. Parce que ça lui donne du courage. Lui qui marche 32 km en moyenne par jour, ça fait réfléchir et même rêver. Que faire en marchant perpétuellement dans le même décor? À moins que l'on ne songe, je songeais. Je construisais un rêve, un palais féerique, dépassant l'imagination, tout ce que le génie d'un humble peut concevoir. Avec un jardin, grotte, tour, château, musée et sculpture. D'après ce qu'on raconte, il a buté sur une pierre lors de l'une de ses tournées, une pierre d'une forme bizarre, comme sculptée par la nature. Depuis, il passe ses nuits sur son chantier à en empiler d'autres. Il vient d'avoir une petite fille de sa deuxième femme. Peut-être prépare-t-il quelque chose pour elle. Vous qui êtes son voisin, monsieur, vous êtes allé voir ce qu'il fabrique? Ramasser ses cailloux. Il voulait même pas que personne ne le voit ce qu'il faisait. Il a eu travailler des nuits entières pour être caché, pour que personne ne le voit. Un caractère un peu spécial. Ils sont peut-être pas tous du même avis, mais moi j'estime qu'il a une certaine courage extrême pour travailler comme ça. Un homme acharné au travail, d'abord ce n'est pas un déshonneur de travailler, mais lui alors, parce que moi j'aime les gens qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas je les aime pas. Et pierre après pierre ramassée sur les chemins, petit à petit il construisait de ses mains, monument bizarre comme un étrange château, de plus en plus grand, de plus en plus haut. Le facteur est un grand travailleur, certes, un modèle d'application, certes. Mais dans le village, il passe surtout pour un idiot qui remplit son jardin de pierre. Et puis, d'où lui vient son inspiration pour ce mystérieux palais, lui qui n'a jamais quitté sa Drôme? Les cartes postales et les magazines qu'il consulte, moins par indiscrétion que par curiosité, lui auraient-ils donné des cours d'architecture accélérée? S'arrêter parfois pour assouvir votre curiosité par une petite transgression, ouvrir la besace, sortir un illustré, le magasin pittoresque, avant qu'il ne soit distribué à la ferme prochaine. Surtout ne pas déchirer le bandeau. Pincer le magazine pour qu'il glisse de son enveloppe. Replacer le bandeau dans la besace le temps de la lecture. Fasciné par les photographies d'une architecture lointaine, des temples d'Angkor ou de cathédrales, par les nouvelles du monde, loin de votre pays de France, de votre pays drômois, de votre sentier, de vos pas, loin de tout et pourtant si proche de vous. Nul ne sait, nul ne saura ce que vous avez vu. Plus tard peut-être. Atterrissage réussi en 1969. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Petite fille de ma rue. On vient d'apprendre que le ministre de la Culture, André Malraux, a fait classer le palais idéal du facteur Cheval monument historique. Quelque part entre la Sagrada Familia de Gaudi et le temple d'Angkor Wat au Cambodge, cet incroyable édifice a nécessité 33 ans de construction sans relâche à son auteur autodidacte. Il l'a bien fait visiter de son vivant, mais depuis sa mort en 1924, et à part quelques artistes qui s'y sont intéressés, comme André Breton et Max Ernst, le palais est en pleine décrépitude. Ce palais naïf, construit par un homme qui n'était jamais sorti de Haute-Rive, Drôme, prouve qu'il y a quelque chose de plus fort que le génie. Qu'il soit naïf ou érudit, qu'importe. D'après les rapporteurs du ministère, c'est absolument hideux. Un affligeant ramassis d'insanité qui se brouille dans une cervelle de rustre. Monsieur Malraux insiste cependant. l'admiration se porte encore plus vers l'homme que son œuvre, argue-t-il. Le palais du facteur cheval n'a-t-il droit au respect que parce qu'il est devenu un symbole de travail et de courage. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ma vie est si petite, si petite et si plate. Ne vous étonnez pas qu'enfin je me batte. Ma vie n'a plus qu'un but, plus qu'une idée en tête. Je bâtis un palais, les dimanches et fêtes. Ce que l'on peut dire, près d'un siècle et demi après la première pierre posée par le facteur cheval pour construire son palais idéal, c'est qu'il est moins un modèle de travail que d'émancipation. Nils Tavernier lui a consacré un livre et un film. Les gens autour du palais regardent un homme qui construit un terrain de jeu avec des cailloux pendant 30 ans. Il est forcément considéré comme le Barjot du village. Et je trouve qu'il arrive, dans sa vraie histoire, à passer du statut d'être exclu au statut d'être inclus. Et grâce à sa force. Et l'autre truc qui était dément, c'est qu'il arrive à en tirer gloire et bénéfice de son vivant. C'est un film, c'est un sujet qui interroge sur sa propre liberté. Il marque sur son palais ce que tu vois est l'œuvre d'un paysan. C'est pas rien. Il a envie de dire aux gens, par cette phrase forcément, qui provient d'un milieu populaire, ordinaire, et qu'il va avoir accès à une forme d'art qui est gigantesque. Donc il est dans un système de lutte des classes, je ne sais pas, mais il a envie de dire, voilà, moi je suis un homme populaire et je vais faire un truc extraordinaire. C'est une force dingue. Mais tu es fou. Et qu'est-ce qu'on va manger? Hein? Des cailloux? Si l'on continue d'interroger le mystère de l'homme, si l'on cherche encore à sonder sa volonté inébranlable, ce qui s'impose aujourd'hui, c'est l'œuvre qui met en échec le monopole jaloux du bon goût. Le facteur cheval, c'est quand même l'histoire d'un mec qui, pendant 30 ans, avec des cailloux, construit un truc qui sert à rien, mis à part un terrain de jeu pour enfants. C'est sa patte. C'est un romantisme quand même qui est dément. C'est un mec qui pourrit tout en vie, capitaliste, d'utilité formelle, de rentabilité au moment où on commence à s'investir, qui va contre l'avis du regard de la population. C'est un mec qui interroge sur notre liberté quand même. André Breton parlait d'une entreprise apparemment innocente. Car le facteur, plus qu'un illuminé entêté, reste celui qui s'affranchit de sa condition et se libère du travail par l'art.